Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'indépendance ou la mort, construire la nation brésilienne. Le 20 mai 1822, Giuseppe Pecchio se trouve à Lisbonne. C'est un patriote italien, il a dû s'exiler l'année précédente. Il écrit une lettre. Au moment où je vous écris, un grand nombre de personnes s'embarquent sur le Tage pour se rendre à la séance des Cortés. La discussion qui doit s'y entamer est du plus haut intérêt puisqu'il s'agit de l'indépendance du Brésil. Rio de Janeiro menace de se séparer de la mère patrie. Le prince régent a lui-même levé l'étendard de la rébellion. Oui, c'est l'indépendance au Brésil. Ils le veulent. Ils vont en avoir leur compte. Les Cortés me persécutent, m'appellent avec mépris le gamin et le Brésilien. Eh bien, ils vont voir maintenant ce que vaut le gamin. À partir d'aujourd'hui, nos relations sont coupées. Je ne veux plus rien du gouvernement portugais et je proclame pour toujours le Brésil séparé du Portugal. Le moment est venu. L'indépendance ou la mort. Vive le Brésil indépendant. Vive mon Pedro. L'indépendance ou la mort. L'indépendance ou la mort. En 1960, dans la tribune de l'histoire, Michel Bouquet et Pierre de Portugal, ils proclament l'indépendance. Bonjour, Amel Anders. Bonjour. Spécificité de l'indépendance du Brésil dans cette histoire de l'Amérique. Est-ce que c'est un schéma d'indépendance qui ressemble à celui des autres pays? Alors oui et non. Alors dans l'extrait qu'on vient de voir, on s'efforce de le faire ressembler à celle des autres pays d'Amérique ibérique. En fait, c'est la version de la Tribune de l'Histoire en 1960 qui est un peu la version officielle, la vulgate dominante au Brésil et complètement reconstruite. Parce qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc Pedro n'a sans doute pas crié l'indépendance ou la mort. Et il s'efforçait surtout, à ce moment-là, de ne pas apparaître comme un libertador, comme un révolutionnaire, mais plutôt comme un rempart contre les révolutions. Et alors, c'est ça la spécificité du Brésil par rapport aux autres possessions, aux possessions espagnoles par exemple, c'est que l'Amérique portugaise est restée compacte, ce qui explique l'immensité du Brésil. Et puis, deuxièmement, le Brésil a vécu sous un régime monarchique de 1822 à la chute de l'Empire en 1889. Oui, parce que 1822, c'est l'indépendance. Mais auparavant, le Brésil était une colonie portugaise. Quel statut cette colonie avait-elle? Alors, colonie, c'est un terme, on appelle ça la période coloniale, hein, mais c'est un peu plus compliqué parce que, alors il y a des prohibitions, il y a des lois spécifiques qui s'appliquent au Brésil, notamment interdiction, il y a des spécificités portugaises là-dedans, il y a un exclusif colonial, hein, très très important. Il y a l'interdiction d'avoir des activités d'imprimerie. Il n'y a pas d'imprimerie au Brésil. Il n'y a pas d'établissement d'enseignement supérieur. Enfin, il n'y a pas d'université, alors que les Espagnols en ont fondé dès le XVIe siècle en Nouvelle-Espagne. Mais ce n'est pas le cas, en Amérique portugaise. Et l'interdiction aussi, depuis la fin du XVIIIe siècle, d'avoir des activités industrielles. Et l'autre caractéristique, quand même, il faut absolument pas imaginer une Amérique portugaise unifiée, enfin sous la forme du Brésil contemporain, mais un archipel, hein, et des petites capitales portuaires, littorales, qui communiquent directement avec Lisbonne. Le vice-roi, parce que il y a un statut de vice-royaume quand même, hein, c'est pas exactement une conquête ou une colonie. Le vice-roi, en fait, n'a pas de pouvoir sur l'ensemble de cette Amérique portugaise. Il n'a que des fonctions militaires là, qui s'appliquent à la défense de l'ensemble de l'Amérique portugaise, mais ce sont les capitaines généraux qui sont nommés par Lisbonne qui représentent la couronne et ont cette relation particulière avec Lisbonne. Donc il n'y a pas de centre, même Salvador de Bahia et puis Rio de Janeiro depuis la fin du XVIIIe siècle ne sont pas des capitales au sens contemporain du terme. Il y a un moment très particulier dans cette histoire-là, c'est pour l'Europe l'épisode napoléonien qui a des conséquences au Brésil, parce que, alors c'est très étonnant d'ailleurs, mais c'est au Brésil que se trouve la capitale d'un État européen. Absolument, ça c'est la grande caractéristique et c'est là où l'histoire de l'Amérique portugaise a divergé profondément de l'Amérique espagnole, c'est que le Portugal est envahi par les troupes napoléoniennes à la fin de 1807 et l'option qui est choisie par le gouvernement portugais, c'est de traverser l'Atlantique et de s'installer au Brésil, à Rio de Janeiro, non pas pour s'y réfugier le temps de la guerre, mais avec un projet politique qui est de régénérer la monarchie portugaise à partir du Brésil. On pense aussi que le Portugal est sans doute perdu, hein, que Napoléon, le royaume européen va être démembré par Napoléon, et donc que la monarchie portugaise peut devenir impériale à partir du Brésil. Dans cette histoire, il y a l'idée d'identité. C'est très important, hein, cette identité. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Sébastien Roseau, bonjour. Bonjour. Y a-t-il une identité brésilienne avant l'indépendance ? Alors, pour les historiens brésiliens qui, au XIXe siècle, vont les premiers essayer de construire un récit national, hein, de cette indépendance et de cette histoire du Brésil désormais émancipé, oui, il existait une sorte de sentiment qui était en fait opprimé, hein, par le pouvoir colonial, qui empêchait en quelque sorte, hein, le Brésil de se libérer de ce joug de long de trois siècles. Mais lorsque l'on regarde les choses là aussi avec la distance critique qui s'impose, on se rend compte que le Brésil est une idée qui n'est pas une idée nationale en 1822. C'est un terme qu'on utilise effectivement pour qualifier ce territoire et qui renvoie à la longue histoire du Brésil, c'est-à-dire au départ, hein, cette première économie du troc qui s'est développée dès le XVIe siècle avec les tribus autochtones et l'exploitation du bois Brésil qui a donné son nom ensuite à ce territoire. Mais on parle d'Amérique portugaise, comme cela a été dit. On parle de Brésil, mais on ne s'identifie pas comme brésilien, puisque le signe distinctif vient du rattachement, évidemment, au Portugal, hein, à la racine européenne qui est source de légitimité politique et de richesse, évidemment. Donc il n'y a pas d'identité brésilienne en 1822 et c'est vraiment à partir, hein, de cet événement perturbateur exogène qu'est effectivement l'impérialisme napoléonien et l'arrivée qui en découle donc de la cour portugaise à Rio, que progressivement, et c'est vrai, dans un espace de temps assez restreint, vont émerger des idées nationales autour d'une identité qui serait celle d'un Brésil désormais indépendant. Armel Anders, nous l'avons dit, c'est Pierre de Portugal qui proclame l'indépendance en 1822. Mais qui est-il ? Ne me dites pas que c'est Michel Bouquet qu'on a entendu en début d'émission. Non, c'est qui cet homme-là ? Alors, c'est le prince héritier de la maison de Bragance, hein. Et d'ailleurs, les couleurs du Brésil actuel, le vert et le jaune, ce sont les couleurs dynastiques, le vert de la maison de Bragance et le jaune de l'épouse de Dom Pedro, qui est l'archiduchesse Léopoldine, une Habsbourg, hein, archiduchesse d'Autriche, dont la couleur, la maison de Lorraine, c'est le jaune. Donc les couleurs du Brésil, actuellement, elles ont été évidemment resignifiées, mais c'est le vert, ce sont les couleurs dynastiques des Bragances et des Habsbourg. Eh, parce qu'on dit aujourd'hui, alors le vert, c'est l'étendue de la forêt amazonienne, et le jaune, c'est la richesse, c'est l'or. Pas du tout, à l'origine, c'est autre chose. À l'origine, c'est la couleur, c'est les couleurs de la maison de Bragance, enfin le vert. Et ces couleurs, à partir du moment où Dom Pedro, prince fils aîné. Alors, tous les commentateurs, tous les témoins insistent sur son peu d'éducation. C'est un personnage assez rugueux. Alors, qui très vite comprend l'importance d'une constitution pour rendre viables les monarchies. Hein. Et il passera, alors, il a une vie très... Enfin, c'est un roman, la vie de Dom Pedro Ier. Hein. Donc, il est quand une révolte portugaise, une révolte au Portugal oblige la cour à revenir, à rentrer. Le roi du Portugal, Juan VI, laisse son fils, donc son fils aîné, comme régent, comme prince régent. Et il a beaucoup de mal d'ailleurs à imposer son autorité, ce prince régent, et il est en lutte contre les Cortés. Et donc c'est lui qui s'associe aux francs-maçons brésiliens qui trouvent que finalement le Brésil peut très bien vivre sans le Portugal. Et eux ont des idées, enfin un libéralisme très, très conservateur. Mais donc il y a une association entre un prince absolutiste, hein, et ces francs-maçons de la ville de Rio de Janeiro, hein, qui perd son statut évidemment avec le départ de la cour, qui s'associe pour rompre avec le Portugal. Et donc l'espèce de transaction que trouve Dom Pedro, c'est de permettre d'octroyer une constitution. Mais cette indépendance, elle est très conflictuelle très vite, parce que cet attelage entre Dom Pedro Ier et puis ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir seront immédiatement. Dom Pedro les envoie en prison assez vite, dissout la constituante, et donc octroie, à la manière des Bourbons, hein, une constitution qui est malgré tout très avancée dans le contexte monarchique des années 1820. Et Dom Pedro, plus tard, comme l'indépendance est très conflictuelle, est contraint à l'abdication en 1831. Ça fait partie aussi de son épopée, et il retourne au Portugal pour reconquérir son trône, et il donne aussi une constitution au Portugal. Donc c'est un prince très, très particulier. Ah, une vie d'aventure. Une vie d'aventure. Vous l'avez dit, 1831, il quitte le Brésil, pardon, il quitte le Brésil, mais il laisse quelque chose, parce que c'est cette année-là qu'il compose la mélodie de l'hymne brésilien. Já podeis dar a filhos, vem poder a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade. Alors ça, c'est un hymne composé, pour la musique en tout cas, par Pedro Ier, Pierre Ier, en 1831. Armelle Anders, que signifie cet hymne? Ça veut dire qu'au moment où il part, il laisse un hymne, parce que lui, il s'en va du Brésil pour devenir roi du Portugal. Alors, l'hymne de... Ça, c'est pas l'hymne brésilien, c'est l'hymne de l'indépendance qu'il a effectivement... composé. Il y a la même année, en 1831, la musique de l'hymne actuel du Brésil, qui est composée aussi, mais qui est un hymne, enfin, il ne faut pas confondre les deux. Oui, il y a l'hymne de l'indépendance et mais puis l'hymne national. Mais il a été composé l'hymne de l'indépendance, non, pas les paroles, sont de 1922, mais l'hymne national brésilien a été composé en 1831, contre justement l'empereur et contre les Portugais. Hein. Après, l'hymne de l'indépendance, effectivement, Dom Pedro, depuis le début, pour se légitimer, et puis parce que c'est la nature du régime monarchique aussi, se confond avec l'indépendance. Et donc s'accapare complètement, toutes les autres personnalités protagonistes de l'indépendance sont écartées ou on leur attribue des sont carrément d'ailleurs exilées, hein, souvent. Et donc il y a vraiment un récit qui se construit sur Dom Pedro, fondateur d'un empire. C'est pas tant l'indépendance que la fondation d'un empire qui est soulignée. Et pour compléter ce que disait Sébastien Roseau tout à l'heure, justement, le récit se fait pas autour de l'indépendance. Hein, c'est trop conflictuel. Donc, il y a d'autres éléments. Alors d'abord, c'est le passé portugais, hein, et puis qui est incorporé, hein, dans le. Et puis c'est plutôt comment faire un peuple moderne. Hein, et c'est le fameux thème qui est tellement attaché au Brésil, du métissage. qui apparaît, dont le thème apparaît au début des années 1840. En fait, c'est une suggestion d'un scientifique allemand, d'un naturaliste, Carl von Marsus, qui est venu au Brésil et puis qui a répondu à un concours académique brésilien. Comment doit-on écrire l'histoire du Brésil ? Et à cette, il y a deux dissertations qui sont proposées, et c'est celle de Marsus qui l'emporte et qui explique l'histoire du Brésil, c'est celle de son peuplement. Et celle de son peuplement à partir de trois races, la race couleur de cuivre, les Indiens, les Portugais, et puis la race éthiopique, les Noirs. Alors c'est très inégal, ils sont pas sur le même plan. Il est évident que la race, le grand fleuve, et puis il y a un grand fleuve qui est le fleuve portugais, et puis des petits affluents qui sont les autres, et les Noirs occupent vraiment un petit paragraphe. Et l'autre indication, c'est que l'historien qui écrit l'histoire du Brésil doit se comporter en bon monarchiste. Donc il y a une identification qui n'est pas tant à la nation qu'à la monarchie, en tout cas c'est ce qui est vendu, et autour de ce projet. Et l'indépendance est vraiment un thème qui est épineux, comme le dit un grand historien brésilien du 19e siècle. Oui, parce que nous savons combien le 19e siècle est celui de la construction des identités nationales. Mais alors là, au Brésil, plusieurs récits se croisent. Celui de l'indépendance, mais mis un peu de côté, de la monarchie et puis de la nation. Parce que c'est cette grande question, créer nation, faire nation. Sébastien Roseau, Letras Patrias, c'est l'ouvrage, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions du Septentrion. Ça veut dire quoi, Letras Patrias? Parce que l'expression elle-même a une portée historique profonde. Oui, disons que j'ai fait le choix de garder l'expression portugaise ici, de Letras Patrias. C'est une des occurrences utilisées par les premières générations d'hommes de lettres pour qualifier ce qu'ils produisent, c'est-à-dire ces lettres nationales. Et une de ces expressions récurrentes, c'est effectivement les lettres patriotiques. Alors, c'est pas très traduisible, c'est pour ça que j'ai préféré le laisser en portugais, c'est plus agréable à entendre. Et c'est cette idée forte qui est derrière cette expression, c'est justement ce lien entre une culture qu'il s'agit de construire comme indépendante à l'aune du pays qui désormais est indépendant, est une monarchie impériale constitutionnelle, et puis ce sentiment donc de patriotisme qui va désormais s'incarner dans l'idée brésilienne, puisque c'est le Brésil qui est la patrie légitime, la première, et qui va s'incarner effectivement, alors notamment dans la figure monarchique, Dom Pedro, puis ensuite son fils, Pedro II, qui va lui succéder après la période de régence, une période trouble au cours des années 30. Et cette idée de patrie, justement, donc elle est mise en exergue, et elle permet aussi à ces générations de premiers intellectuels, hommes de lettres, se distinguer dans un marché international des cultures et des identités qui sont en train de se construire en Europe et comme en Amérique, de se distinguer de non seulement des voisins hispano-américains, mais aussi de cette matrice européenne qui est à la fois un référent incontournable, et les romantismes européens, en particulier français, sont une référence systématique dans ce système intellectuel qui se met en place au Brésil, mais néanmoins, c'est autre chose. C'est un romantisme à la brésilienne, d'où le souci que j'ai repéré dans les sources de ces auteurs de préférer presque systématiquement, ils emploient rarement l'expression romantique pour se qualifier eux-mêmes. Ils préfèrent d'autres expressions, dont celle-ci, qui n'est pas exclusive d'ailleurs, mais pour bien montrer que c'est cet attachement à la patrie, comme le disait Armel Enders, l'attachement à la monarchie, qui est fondamental et qui va permettre de construire cette culture qui est évidemment une culture éminemment politique du littéraire. Ah oui, il faut se distinguer en fait. Il faut se distinguer. Alors se distinguer des autres mouvements des nationalités, mais surtout du Portugal. Est-ce qu'il y a cette volonté-là de dire nous sommes issus de la culture portugaise, mais non, nous ne sommes pas portugais, nous sommes brésiliens. La relation, comme vous le dites bien, elle est profondément ambiguë. À la fois le Portugal est perçu dans l'immédiat après l'indépendance comme une puissance à rejeter. Il y a des vagues de lusophobie, c'est-à-dire c'est-à-dire den, hein, du portugais, qui sont importantes au cours des années qui marquent l'indépendance, puis dans l'après-indépendance. Mais en même temps, le Portugal, c'est la matrice européenne, c'est le lien avec la religion catholique, avec cette identité occidentale, hein, à laquelle vont se rattacher les élites brésiliennes. Donc il est difficile, hein, en quelque sorte, d'effacer cela. Donc la relation, elle est complexe, elle est ambiguë. Elle va expliquer d'ailleurs, hein, qu'on se tourne plutôt vers la France, hein, à l'heure de penser cette culture nationale brésilienne, hein, en se détournant quelque peu du Portugal. Mais j'ai montré dans d'autres travaux et dans un autre ouvrage, hein, qui s'appelle « Préhistoire de la lusophonie », que néanmoins, hein, il y a de très fortes relations culturelles au XIXe siècle entre le Portugal et son ancienne colonie, hein, avec une intensité grandissante dans la deuxième moitié du XIXe siècle, toujours beaucoup de polémiques, de tensions, mais néanmoins des échanges qui sont extrêmement forts et qu'il s'agit de ne pas oublier, hein, quand on essaye de comprendre comment se construit cette culture brésilienne. Et puis tous ces gens, ces intellectuels, cette élite, d'où viennent-ils? Ben en fait, 1822, c'est l'indépendance, mais ils sont déjà porteurs de leur propre histoire, de leur propre formation. Qui les a conduits au Portugal parfois? D'où tirent-ils leur connaissance, leur savoir? Alors il faut là distinguer la génération qui est vraiment contemporaine de l'indépendance, hein, celle des luso-brésiliens, comme on les appelle, et qui effectivement, hein, puisque Armel Anders le soulignait, il n'y avait pas d'établissement d'enseignement supérieur dans le Brésil colonial. Donc, il fallait passer par Coimbra, c'est-à-dire l'université au Portugal, pour se former. Mais les choses évoluent très vite, hein, puisque parmi les premières mesures qui sont prises, hein, par la couronne portugaise à son arrivée à Rio en 1808 et dans les années qui suivent, hein, c'est la création de ces établissements d'enseignement supérieur. Quelques années plus tard, les premières facultés de droit, hein, et les écrivains, les premières générations d'hommes de lettres qui émergent en fait un peu plus tardivement, c'est-à-dire à partir des années 30, de la fin des années 30 et surtout des années 1840, se sont pour beaucoup déjà formés en fait au Brésil. Ce sont de très jeunes étudiants, hein, pour la plupart, qui se sont formés soit à Rio, à la faculté de médecine, par exemple, soit à Salvador, à Recife, enfin à Olinda et à São Paulo, et qui vont justement prendre en charge, hein, cette construction et cette construction de l'identité par les œuvres qu'ils produisent, que ce soit de la littérature au sens contemporain du terme, hein, c'est-à-dire de la prose, de la poésie, du théâtre, mais aussi de la littérature d'essai, hein, c'est-à-dire qu'il y a énormément de... Ces écrivains sont polygraphes et ils sont hommes de lettres en ce sens-là, qu'ils manient différemment à la plume pour écrire tantôt de la poésie, mais tantôt un essai historique qui vont dialoguer, hein, et permettre de fixer, hein, les bases, le socle de cette culture nationale. C'est l'indépendance aussi pour la littérature. Lorsque le pays deviendra indépendant en 1822, cette indépendance politique ne se traduira pas de suite par une indépendance culturelle. La littérature brésilienne restera encore un miroir de la littérature portugaise. Il faut attendre le romantisme pour voir se briser les liens qui unissaient la littérature du Brésil à celle du Portugal. Certes, le Brésil a rompu avec le Portugal, mais pour rompre, il a cherché ses modèles, moins au Brésil, qui ne pouvait peut-être pas encore les lui donner, qu'en France. Il a copié Lamartine et Hugo. Son indianisme se rattache à celui de Chateaubriand. Bref, il y a eu en somme plus un changement d'imitation qu'une rupture avec l'imitation. Seul Alencar, par la découverte d'une langue nationale, ferait-il peut-être exception. C'est Roger Bastide, sociologue, anthropologue, qui s'exprimait en 1960 à propos du Brésil dans cette émission au titre incroyable « L'heure de culture française et cette voix venue d'un autre temps ». C'est une langue qui est évoquée ici et la question se pose tout de suite. Mais oui, quelle langue pour le Brésil? C'est le portugais? Ah, est-ce si sûr? C'est justement un des multiples sujets de discussion et de débat et de polémique, hein, qui... que ne cessent d'avoir hein, les hommes de lettres portugais et brésiliens au XIXe siècle et même après d'ailleurs. Hein, parce qu'évidemment, la langue portugaise est héritée de ces siècles de colonisation. Et il ne s'agit pas d'en changer. Au contraire, le fait d'avoir déjà une langue hein, commune aux élites est un avantage conséquent hein, pour construire l'unité de la nation. Donc le portugais n'est pas remis en cause. Mais on va s'interroger du coup sur ce qu'est ce portugais au Brésil hein, et s'interroger sur ce que peut être la créolisation en quelque sorte du portugais au Brésil, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas un Brésilien qui se distingue de diverses manières du portugais. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que en réalité, selon que ces hommes de lettres sont plus ou moins bienveillants vis-à-vis de l'héritage portugais, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas d'unanimité hein, dans le milieu intellectuel brésilien à cette époque-là. Donc, selon le degré d'affinité avec le Portugal, eh bien, on va plutôt considérer que au Brésil, on utilise la langue portugaise et qu'on valorise et qu'on s'inscrit dans la tradition très ancienne fixée par Camões et son épopée, sa célèbre épopée, les Louisiades, dans cet héritage-là. Et d'autres, comme Alencar, qui est cité par Roger Bastide dans l'extrait que vous avez diffusé. Au contraire, eux sont partisans et affirment hein, que, comme toute chose, les langues évoluent. Hein, elles ont une histoire, une historicité, et que du coup, le brésilien est en train d'émerger hein, à la faveur de, et plus encore s'accélérant avec l'indépendance, c'est-à-dire d'une émancipation aussi de la langue. Et Alencar, ce qu'il fait, hein, comme le dit Roger Bastide, c'est un des grands noms de l'indianisme, c'est-à-dire de l'investissement du passé largement mythifié hein, de autochtones brésiliens dans la construction de la nation, hein, c'est-à-dire que de la même façon que les romantiques européens vont aller puiser dans le Moyen-Âge hein, des récits chevaleresques sur lesquels, à partir desquels construire une certaine fierté nationale qui était jusque-là un peu effacée, eh bien à défaut de croisades et de chevaliers du Moyen-Âge, eh bien certaines tribus autochtones et certains récits historiques vont être mobilisés pour nourrir une littérature qui exalte une certaine figure de l'Indien, mais qui n'a que peu à voir avec ce qu'est à ce moment-là véritablement ce que sont hein, les peuples autochtones et la façon dont ils sont traités ou maltraités par le Brésil impérial. Et parce qu'il faut faire un pays, faire une nation, faire une langue éventuellement et faire les Brésiliens. Bah là, je prends le titre d'une de vos parties, Armel Anders, Histoire du Brésil. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et chercheuse à l'Institut français de géopolitique. Et dans cette histoire du Brésil, sur le temps très long, il y a ce moment, faire les Brésiliens. Donc c'est le titre de cette partie parce que on sent qu'il y a tout un travail ici, toute une réflexion. Mais qui souhaitent faire les Brésiliens? Ce ne sont pas les Indiens, en fait, qui font les Brésiliens. Quel regard est porté sur ces Brésiliens en devenir? Alors, le regard porté... Alors déjà, les Indiens, effectivement, dans le Brésil impérial hein, du 19e siècle, la problématique qu'on pose à leur sujet, c'est décadent ou primitif. Hein. Est-ce que ce sont les vestiges d'une grande civilisation entrée en décadence ou est-ce que ce sont des peuples dans l'enfance voilà. Donc, c'est un moment où, même si le Brésil n'est pas la conquête de l'Ouest, il y a beaucoup d'affrontements avec les Indiens tout au long du 19e siècle. La solution qui n'en est pas vraiment une qu'on leur impose, ce sont des missions religieuses, enfin de les placer sous la tutelle de missions. Mais les Indiens jouent un rôle, disons cosmétique et symbolique hein, dans la construction symbolique de l'Empire du Brésil. Alors ça part de l'allégorie de l'Amérique, hein, qui est du continent américain, qui est toujours figuré comme un jeune Indien ou une jeune Indienne, et ça se transmet en fait au Brésil impérial. Hein, l'allégorie de l'Empire du Brésil, c'est un Indien et donc Sébastien Roseau rappelait très justement hein, dans la littérature, le roman historique, hein, mais c'est un Indien et dans la littérature qui se crée. En 1856, là, il y a la grande épopée nationale qui s'appelle la Confédération des Tamoyos et qui raconte la défaite de d'Indiens qui étaient alliés aux Français dans la fondation, enfin, au moment de la fondation de Rio de Janeiro. Et c'est voilà, l'Indien du passé, c'est l'ancêtre symbolique de la nation. Ça permet de s'opposer à l'Europe, mais ça reste de l'ordre du symbolique. Alors pour le reste, pour essayer de faire les Brésiliens, alors c'est une œuvre qui dépasse largement le Brésil impérial, aussi pour des raisons très pratiques. Le Brésil, c'est immense, et comme je le disais, ça reste à la fin du 19e siècle un archipel, enfin, il est très sous-peuplé par rapport à l'immensité du territoire prétendu, parce qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la réalité des frontières. Vous avez des... C'est un pays, c'est une frontière coloniale énorme, hein, le Brésil de cette époque-là. Les communications se font essentiellement par la mer, entre le nord et le sud du Brésil. Ça change beaucoup à partir de la navigation à vapeur, qui réduit le temps de voyage. Mais par exemple, encore à l'extrême fin au tournant des 19e et 20e siècles, pour aller de la capitale Rio de Janeiro au Mato Grosso, à la frontière avec le Paraguay, c'est facilement 3 mois de voyage. Hein, en passant par la voie terrestre est pratiquement impossible, donc on passe, on prend un vapeur jusqu'on remonte le Rio de la Plata, puis les fleuves, et puis on y va comme ça. Enfin, donc pour avoir souvent les patriotismes locaux sont très forts, et ce qui a sans doute permis effectivement une identification, ça a été beaucoup la monarchie. Voilà. Ça donnait un sens concret à cet immense territoire, et donc c'est plutôt finalement après la chute de l'Empire qu'il y a aussi un effort pour faire les Brésiliens. En 1889, la chute de l'Empire, parce que vous nous avez donné une clé, Armel Inders, tout à l'heure, une clé contemporaine pour comprendre la carte de l'Amérique. C'est vrai que l'Amérique espagnole, au moment de l'indépendance, est divisée façon Pulse, mais l'Amérique portugaise est unie, c'est le Brésil. Comment explique-t-on ce succès? Parce que il y a cette volonté que nous expliquons depuis tout à l'heure avec la monarchie, notamment, hein, comme élément unificateur. C'est une réussite, en fait, parce que le Brésil n'explose pas comme les colonies espagnoles ont pu exploser. Alors, je laisse le jugement de savoir si c'est une réussite ou pas. Peut-être que ça. En tout cas, c'était pas. C'est un récit très fort aussi. La monarchie brésilienne insiste beaucoup sur cette unité du territoire et sur son rôle comme garant de ce territoire. C'est vraiment le cœur du récit là. Et c'est aussi finalement c'est très performatif. C'est-à-dire qu'en fait derrière, c'est quand même beaucoup moins clair, et puis surtout ça a souvent tenu à un fil, hein. Cette unité territoriale, elle a été, alors d'abord pour revenir à l'indépendance, en 1822, le 7 septembre 1822, à peu près la moitié du Brésil actuel n'est pas compris dans cet empire, hein. C'est totalement fictif. Les dernières provinces se rallient plus d'un an plus tard, en septembre 1823. Hein. Ensuite, l'unité, elle est postulée de l'Amazone au Rio de la Plata. Bon, on voit que le Rio de la Plata, il y avait une revendication sur l'actuel Uruguay. Hein, les Brésiliens l'ont perdu. Et ensuite, vous avez des provinces entières qui se révoltent. En 1824, une éphémère confédération de l'Équateur, hein, dans le nord-est du pays, qui prend les armes contre le gouvernement central, contre l'Empire. Ensuite, dans les années 1830, le sud du Brésil aussi, qui s'autonomise, enfin qui prend son indépendance sous le nom de République de Piratini, et qui reste pendant 10 ans, jusqu'en 1845, indépendant de Rio de Janeiro. Donc tout ça tient un peu par miracle, hein, et aussi par la force du récit. Mais en tout cas, il y a même un historien canadien, Roderick Barman, qui a fait une carte du Brésil. Brésil qui aurait pu, enfin, du territoire de l'Amérique portugaise qui aurait pu exister. On voit différents États sur la carte du Brésil actuel, une histoire contrefactuelle du territoire brésilien. Et d'ailleurs, le Brésil actuel, si on le regarde de près, on sent encore toutes ces fractures territoriales. Sébastien Roseau, est-ce que pour la littérature, il y a la volonté d'unir le territoire? Est-ce que l'on retrouve ça, c'est-à-dire gommer les différences territoriales, tout comme on l'a dit, créer un Brésilien, créer donc un pays, le Brésil? Alors, gommer les identités locales, non, je dirais pas cela. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, il y a l'affirmation et la revendication, en quelque sorte, d'une polarisation du territoire depuis la capitale, qui est une jeune capitale. Comme cela a été dit, Rio, finalement, devient capitale sur le tard, dans la deuxième moitié du 18e siècle, aux dépens de Salvador. Et quand la cour portugaise arrive à Rio, c'est une petite ville de province qui n'est pas si accueillante que cela pour une cour telle que celle des Bragances et du Portugal. Donc Rio, il faut déjà qu'elle affirme sa centralité, son rang de capitale. Et le politique joue un rôle majeur. Le fait que la cour soit désormais incarnée et installée à Rio est essentiel. Mais les écrivains, les hommes de lettres vont converger. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude sociologique que j'ai faite des premières générations d'écrivains brésiliens, c'est que alors certains sont nés à Rio, mais en fait beaucoup viennent à Rio. Donc en fait, il n'y a pas, évidemment, comme l'a dit Hermann Enders, faire les Brésiliens, c'est un processus de temps long. Est-il achevé? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. Au 19e siècle, on fait avec les moyens qui sont à disposition. Et donc, il importe en quelque sorte de faire converger les élites à Rio, que ce soit pour participer aux activités du Congrès, aux activités politiques, mais aussi donc pour animer cette vie culturelle intellectuelle qui aspire à incarner la nation. Alors évidemment que les premières revues littéraires, les premières œuvres littéraires ne circulent absolument pas dans tout le Brésil. On est toujours dans ce modèle d'archipel, avec, dans un pays, ne l'oublions pas, où plus de 80% de la population est analphabète. Donc c'est un petit monde en quelque sorte, le petit monde des écrivains est lui-même le reflet d'un autre petit monde qui est celui de ces élites brésiliennes qui sont minoritaires dans leur pays. Il ne faut pas l'oublier, compte tenu du fait que la majorité de la population est soit métisse, soit esclave ou affranchie ou descendant d'esclaves. Donc c'est ça la réalité du Brésil. Donc le processus de construction nationale, il commence là, il se polarise depuis Rio, qui est une sorte de capitale macrocéphalique, qui concentre l'essentiel des choses. Et puis on voit émerger aussi à l'époque impériale, un peu plus tardivement, à des pôles secondaires dans certaines villes, dans certaines capitales de province, notamment les villes de faculté, Salvador, São Paulo, mais aussi les confins septentrionaux et méridionaux, Porto Alegre et São Luís, une ville fondée par les Français à l'époque coloniale, tout au nord, sont des pôles secondaires, mais qui sont des satellites qui sont en lien et en... comment dire, reconnaissent la légitimité de la capitale Rio. Donc il y a cet effort d'unité, mais qui, comprenons-le bien, ne concerne que quelques personnes en réalité. Oui, le tableau que vous dressez du Brésil, c'est pas un aplat monochrome opaque, c'est plutôt une aquarelle, aquarela do Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil verde que dá para o mundo se admira. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oi, onde amarra minha rede nas noites claras de luar, Brasil, Brasil. Francisco Alves, Aquarela do Brasil. Enregistrement de 1939 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, l'indépendance ou la mort, construire la nation brésilienne. Armel Anders, dans cette histoire-là, et vous nous l'avez bien dit, c'est vrai que l'image allégorique du Brésil, c'est l'Indien. C'est l'Indien. On retrouve ça d'ailleurs dans votre livre aussi, Sébastien Roseau, on l'a dit dans la littérature, mais en sculpture aussi, quand il faut représenter une allégorie, c'est l'Indien. Mais vous nous avez dit aussi que la population brésilienne a une composante essentielle, bah, ce sont les Noirs, esclaves, descendants d'esclaves. Qu'en est-il pour eux dans cette construction des Brésiliens ? Il faut rappeler comme le caractère absolument massif et tardif de l'esclavage au Brésil. Hein, c'est une dimension du Brésil indépendant. Jamais la traite, et c'est aussi une dynamique des évolutions politiques, aussi sans doute de l'abdication de Dom Pedro Ier. C'est d'abord les plus grosses fortunes du Brésil au moment de l'arrivée de la cour, hein, et au début de l'indépendance, ce sont les commerçants d'esclaves. C'est le grand négoce. C'est pas la richesse foncière, les plantations. Ce sont vraiment les négociants, les quelques grandes maisons de commerce qui pratiquent l'importation d'esclaves. Hein. Et donc, rappel, le Brésil à lui tout seul, pendant toute la durée de la traite négrière transatlantique, pour toutes les Amériques, a reçu 45% du total, hein, pour le seul Brésil. Et la moitié, ces 5 millions d'Africains, hein, qui ont été déportés au Brésil, et à peu près la moitié, ça s'est fait au 19e siècle, hein, entre 1800 et 1850. Donc c'est le moment, la première moitié du 19e siècle, où la traite négrière en direction du Brésil est la plus intense. Et avec et c'est pas du commerce triangulaire, hein, c'est bien de la droite ligne. Ça, c'est aussi très important de le noter. Donc l'abolition de la traite négrière, elle a été en gros très forcée par les Britanniques, hein, qui ont eu des menaces extrêmement explicites vis-à-vis du Brésil. Et donc en 1850, il met fin au trafic. Et il y a aussi des raisons intérieures, et ça rejoint votre question, pour dire oh là là, c'est tellement massif que ça va, on risque d'être complètement dominé. D'abord, il nous apporte des épidémies. Il y a la fièvre jaune qui arrive au Brésil à ce moment-là, donc on l'attribue à l'arrivée massive d'esclaves. Et puis, on va être dominé. Enfin, c'est une situation. Il y a la grande peur d'un massacre, d'un Saint-Domingue énorme au Brésil. Bon. Et puis ensuite, l'abolition elle-même intervient très tardivement. Elle est très difficile. L'abolition de la traite change beaucoup les choses, parce que ce qui est une des caractéristiques, Sébastien Roseau l'évoquait, de l'importance de l'esclavage et de la traite négrière, c'est que toute la société, ça transcende un peu toutes les barrières. D'abord, on a très peur de d'une révolte généralisée, donc d'où aussi la loyauté vis-à-vis de la monarchie. L'autre élément, c'est que ça y est, j'ai un trou. Non, mais moi, ce que j'entends surtout dans ce que vous dites, c'est que il y a la traite d'un côté qui a une histoire et qui est arrêtée en 1850, et l'esclavage lui continue sans aucun problème jusqu'en 1888. Donc ça veut dire que c'est avant la proclamation de la République l'année suivante. Hein. C'est encore sous l'Empire. Absolument. C'est Pedro II, Pierre II. C'est c'est Dom Pedro II qui, plus exactement, la princesse héritière, la princesse Isabelle, qui exerce la régence à ce moment-là. Mais c'est à l'aboutissement d'un processus, d'un processus qui s'est accéléré au début des années 1880. Qui commence après un épisode très important de l'histoire du Brésil aussi, qui est la guerre du Paraguay, hein, qui est la seconde qui a lieu entre 1864 et 1870, et qui est en ampleur et en nombre de victimes, la seconde guerre qu'est connue le continent américain après la guerre de sécession américaine. Et c'est chouette, une guerre pour renforcer l'identité nationale, parce que c'est cela aussi, cette histoire du Brésil au XIXe siècle, depuis l'indépendance en 1822, c'est créer la nation. Oui, et c'est une nation qui se veut civilisée. Hein. C'est une guerre qui est menée au nom de la civilisation contre un dictateur et un peuple très très indien. Hein. Le Paraguay est très guarani. Et inversement, le Paraguay voit dans le Brésil une armée de noirs, enfin avec beaucoup de caricatures racistes. Et donc c'est un grand tournant qui permet. Il y a un engagement. Les soldats, la troupe, ce sont beaucoup d'afro-descendants. Et puis aussi des esclaves qui ont acquis leur liberté à condition de servir dans les troupes. Alors ça a toujours été moins de 10%, mais en tout cas c'est un changement psychologique très très important. Et puis ces vétérans de la guerre du Paraguay, anciens esclaves, reviennent l'esclavage devient de moins en moins possible. En plus, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a un délitement de l'institution, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'importation, les esclaves deviennent plus chers, donc ça se concentre dans un certain secteur de l'économie, alors qu'avant, tout le monde a des esclaves. Voilà. Oui. Et donc, il y a un affaiblissement du consensus à l'esclavage, et un mouvement abolitionniste qui se met en place dans les années 1880 et qui aide beaucoup les fuites massives d'esclaves. Donc vous avez une bonne partie des esclaves qui se sont libérés eux-mêmes en partant, hein, en quittant les plantations, en quittant leurs maîtres, en se réfugiant en ville ou dans des refuges soutenus par les abolitionnistes. Et donc, finalement, en 1888, la princesse Isabelle abolit l'esclavage et sans indemnisation des propriétaires et sans aucun plan ensuite pour venir en aide aux anciens captifs. Et on s'étonne que l'année suivante, l'Empire soit renversé. C'est sûr que les grands propriétaires ont mal supporté cette abolition de l'esclavage sans indemnité. Sébastien Roseau, dans votre ouvrage « Les traces patrias, les écrivains et la création d'une culture nationale au Brésil », il y a de l'iconographie et notamment un tableau que je trouve absolument sidérant. Ce sont trois générations qui sont représentées. C'est un tableau de 1895, présenté à ce moment-là au Salon des Beaux-Arts de Modesto Brocos. On y voit trois générations. La plus âgée est toute noire, la génération du milieu est un peu moins noire et l'enfant est tout blanc. C'est quoi ce blanchiment dont vous parlez dans votre ouvrage ? Alors bon, c'est un très vaste sujet qui évidemment est en lien avec ce qui était dit auparavant, c'est-à-dire la présence massive de l'esclavage et son accentuation, l'accentuation de ce phénomène dans la première moitié du 19e siècle. Parce que arrêter la traite négrière en 1850... sous la pression des Britanniques, c'est aussi interroger désormais la façon dont on veut penser le Brésil à venir, le Brésil du futur. Et effectivement, il y a la donnée économique qui est importante, hein, et l'institution servile va perdre de son intérêt économique assez rapidement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais s'ajoute à cet aspect économique un vrai débat, lui, d'identité nationale sur la façon dont on veut penser et voir cette société brésilienne dans le futur, parce que ces écrivains, ces hommes de lettres ne sont pas dupes, c'est-à-dire qu'ils font une littérature qui met en exergue, qui met en avant la dimension occidentale européenne du Brésil. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'emploie moi-même de façon un petit peu anachronique l'expression de littérature du blanchiment dans mon ouvrage, parce que si cette théorie du blanchiment en fait émerge et se structure un peu plus tardivement, effectivement plutôt à la fin du 19e siècle, en fait quand on lit la littérature telle qu'elle se produit dès les années 30 ou 40 du 19e siècle, on a une littérature qui blanchit la réalité. Ça qui est très intéressant, c'est que si on se contente de regarder et de lire les auteurs brésiliens, notamment ceux qui sont à Rio, qui est une ville noire, hein, il faut bien imaginer que c'est là qu'arrive une grande partie des esclaves. Hein. On a quelques récits qui mettent en avant cette identité noire de Rio ou du Brésil. Mais ce sont des textes assez marginaux, hein, dans le panthéon littéraire. Parce que ce qui importe, c'est de vendre le mythe de l'Indien, effectivement, qui ne mange pas de pain, soit cette identité européenne, cette candeur de la peau, hein, qui renvoie aussi, hein, à cette dimension occidentale de la culture qu'il s'agit de construire. Donc, il y avait déjà dans cette littérature et puis progressivement dans la pensée politique, scientifique, racialiste qui se développe en Europe mais aussi au Brésil dans la deuxième moitié du 19e siècle, cette idée en quelque sorte les Brésiliens avaient le destin de leur pays en main et que désormais que la traite était abolie et que donc il n'y aurait plus d'arrivée massive de ces Noirs qui constituaient une menace, eh bien l'enjeu c'était quelque part, pour le dire simplement et de manière un peu choquante, c'était de s'en débarrasser au plus vite parce que c'est perçu comme une macule, comme un obstacle au plein épanouissement de la civilisation brésilienne. Et c'est dans cette perspective-là que se développe justement en écho avec la fin de la traite et donc la nécessité aussi de remplacer cette main-d'œuvre servile par une autre main-d'œuvre qui n'est pas disponible en quantité suffisante, qu'une politique migratoire se met en place et une immigration choisie. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les bons migrants qui sont des migrants européens en essayant de les détourner des États-Unis qui attirent l'essentiel des masses migrantes européennes à cette époque-là, de les faire venir vers le Brésil, mais aussi vers d'autres pays, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, avec cette idée que ça va permettre de régénérer la société brésilienne, parce qu'il y a cette idée d'une dégénération, mais qui n'est pas inéluctable, que la société peut se régénérer par des apports extérieurs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en parlant de ces liens entre la France et le Brésil, un des premiers à développer cette idée, c'est un des grands penseurs du racisme au XIXe siècle, le comte de Gobineau, théoricien de l'inégalité des races, et qui a séjourné comme diplomate à Rio pendant quelques mois, une année, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui en a tiré justement des éléments de réflexion et qui dit lui-même, voilà, le Brésil est dans un sale état, en quelque sorte, le Brésil est métisse, ce que l'on ne trouve pas au moins dans la littérature brésilienne de cette même époque. Le Brésil est métisse, mais il peut se régénérer par cet apport de migrants. Et le tableau que vous évoquiez, qui est un tableau très célèbre effectivement au Brésil, exprime de manière extrêmement limpide cette idée-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien, en y mettant du sien et en développant sur le long terme cette politique migratoire choisie, on peut espérer faire du Brésil un pays blanc. Pour citer un autre nom important, et je m'arrêterai là, lors du premier congrès des races qui a lieu à Londres en 1911, le représentant brésilien, un certain Lacerda, qui est un grand scientifique, anthropologue, en poste à Rio, au Musée National, fait un discours qu'il publie d'ailleurs en français sur les migrants au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce discours, lui-même reprend cette théorie du blanchiment et dit devant les membres les congressistes, il dit voilà, si tout se passe bien dans un siècle à peu près, c'est-à-dire aujourd'hui, le Brésil sera un pays blanc. C'est incroyable, cette lecture-là, Armel Eders. Oui, c'est tout à fait... Il y a l'exemple de l'Argentine aussi à côté, dans le début du XXe siècle, où il n'y a plus... En Argentine, il y a eu des Noirs aussi, mais qui semblent avoir disparu. Et donc, le Brésil voile dans les Noirs et dans les races inférieures, les Noirs et les Indiens, des obstacles au progrès. Et il y a dans l'immigration une contradiction dans la politique migratoire, parce qu'elle n'est pas si choisie que ça. Parce qu'à la fois, l'immigrant, alors qu'on veut... Depuis le début du XIXe siècle, l'immigrant donc idéal, c'est le petit propriétaire blanc et catholique, et européen évidemment, mais catholique c'est important aussi, qui doit apporter la civilisation par son exemple. Et en même temps, ce qu'on veut, c'est de la main-d'œuvre pour remplacer les bras esclaves. Et donc, et ça se passe mal, parce que et vous avez surtout des Italiens, des Espagnols, qui vont vers les plantations de café. C'est un thème aussi que nous aurions pu développer, l'importance du café dans la dynamique brésilienne, c'est essentiel, et de l'Empire. Et donc, voilà, cette contradiction entre la volonté de vouloir des bras et puis en même temps d'avoir ce fantasme de civilisation. Pour terminer, en un mot, à quel moment dans l'histoire du Brésil le métissage est mis en avant comme une forme valorisante de l'identité ? Où il n'y a plus cette question de blanchiment, ou alors est-ce que ça n'a jamais été mis en avant ?